Section numéro 16 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Charlotte. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095 à 1270. Publié par Ernest Lavisse et Alfred Rombaut. Chapitre 4, deuxième partie. Le pontificat d'Innocent III, par Charles Baillet. Innocent III. Son caractère, ses conceptions. À la fin du XIIe siècle, la papauté, malgré son rôle glorieux dans la lutte contre Frédéric Ier, malgré la paix de Venise, s'est trouvé dans une situation étrangement précaire. Son autorité temporelle n'existait plus que de nom. Henri VI, non content de s'emparer de l'héritage contesté de Mathilde, avait envahi l'État même de Saint-Pierre. Henri, dit le biographe d'Innocent III, avait occupé le patrimoine de l'Église jusqu'aux portes de la ville, sauf la compagnie. Encore y était-il plus craint que le pape. À Rome même, la papauté était moins maîtresse que jamais. Alexandre III s'était retrouvé sans pouvoir dans sa capitale théorique. Son successeur, Lucius III, ne put y rester. Urbain III, 1185 jusqu'à 1187, passa son pontificat à Vérone. En 1188 seulement, la papauté rentra à Rome avec Clément III, mais elle dut subir les conditions du Sénat romain, qui pouvait maintenant dater ses actes de la 44e année de son existence. Si la communauté prêta serment de fidélité au pape, elle conserva son autonomie. Célestin III, de 1191 à 1198, vécut à Rome, mais non en souverain. Tout changea lorsque, en janvier 1198, Innocent III arriva au pontificat. Le nouveau pape n'avait que 37 ans. Il était donc dans toute la force de l'âge. Il appartenait à une famille noble du Latium, celle des comtes de Cenis. Il avait étudié dans les écoles de Paris et de Bologne, alors si vivaces et si ardentes. Il avait été nommé cardinal par son oncle Clément III. Résolu à imposer au monde la monarchie pontificale, il montrait quelques-uns des traits du caractère de Grégoire VII. La passion du pouvoir qui éclate dans la multiplicité même des affaires dont il s'occupa. Une activité infatigable qu'atteste sa volumineuse correspondance. Enfin, une conviction profonde de la légitimité de ses droits. Son ambition fut immense, mais elle fut sincère. C'est ainsi que la croisade fut sa préoccupation dominante, qu'il commença et finit son pontificat en y pensant, qu'il y subordonna même ses projets de domination sur les rois. Enfin, si ses théories sont absolues, dans l'exécution de ses projets, il apporte un esprit moins entier, plus prudent. Il tient compte des circonstances, sait aux besoins céder. Il est, en un mot, plus diplomate. L'éducation qu'il avait reçue contribue à expliquer ses conceptions et sa politique. Innocent III est un juriste. Il appuie avec une ferme assurance ses prétentions sur les recueils, récents encore, où les partisans de la papauté avaient réuni, comme dans un arsenal, tous les documents en sa faveur. Dans cette ville de Bologne où il a étudié, a été composé le Decretum Gratiani, qui, à peine paru, est devenu le traité officiel et le manuel du droit canonique. On le commente dans les écoles. En méditant ces textes, où l'apocryphe se mêle à l'authentique, l'esprit du futur pape s'est en quelque sorte armé de toutes pièces pour la défense des droits spirituels de la papauté. D'autre part, dans le Liber Censuum Ecclesiae Romanae, composé en 1192 par Cencius, qui, sous le nom de Honorius III, devait être son successeur. Il trouvait, avec l'état des revenus que l'Église de Rome tirait de toute la chrétienté, l'inventaire de ses domaines, les privilèges vrais ou faux qui avaient constitué l'état de l'Église. De ce nombre, la donation de Mathilde. Enfin, comme Frédéric Barberousse, comme la plupart des hommes politiques de ce temps, il était pénétré de la nécessité de soumettre le monde chrétien à un pouvoir unique. Seulement, dans le passé, il regardait non vers Constantin ou Charlemagne, mais vers Saint-Pierre. « La papauté, écrit-il à celui dont il veut faire un roi d'Allemagne selon le cœur de l'Église, domine la royauté. Celle-ci n'a de puissance que sur la terre et sur les corps. Celle-là on a dans le ciel et sur les âmes. Les rois ne règnent que sur des royaumes particuliers et des provinces isolées. Pierre les domine tous par la plénitude du pouvoir, car il est le représentant de celui à qui appartient l'univers. Et ailleurs, en termes encore plus clairs, le Seigneur a laissé à Pierre non seulement le gouvernement de l'Église universelle, mais celui du monde entier. À ses yeux, la liberté ecclésiastique n'est bien assurée que là où l'Église romaine jouit d'un plein pouvoir, aussi bien dans les choses temporelles que dans les choses spirituelles. Tel est l'homme, telles sont ses idées sur le rôle de la papauté. On verra dans d'autres chapitres comment il gouverna l'Église et y organisa la monarchie pontificale, quelle fut son attitude vis-à-vis des hérésies, avec quelle ardeur il travailla à l'œuvre des croisades. Voir ci-dessous, chapitres 5, 6 et 15. Dans le domaine de la politique temporelle, où on doit étudier ici son action, les circonstances paraissent favorables. Il trouve l'Empire disputé par des rivaux qui, en s'affaiblissant mutuellement, lui permettent de la dominer. En Angleterre, la royauté, aux mains de Jean sans terre, se compromet par ses excès et sa lâcheté. En France, elle est forte avec Philippe Auguste, mais elle est aussi très avisée, très prudente, et, si à l'occasion elle tient tête au pape, elle se gardera bien de s'engager dans une lutte trop acharnée. En un mot, Innocent III semble avoir barre sur le pouvoir temporel. Restauration de l'état de Saint-Pierre. Pour que la papauté puisse agir, il faut d'abord qu'elle ait une capitale et un état. De ce côté portent les premiers efforts d'Innocent III. À Rome, il se heurte à deux pouvoirs rivaux. Le préfet de la ville, la commune. Dès le mois qui suit son élection, il transforme le préfet de la ville, de fonctionnaire impérial qu'il était sous Henri VI, en fonctionnaire pontifical. Il l'astreint au serment de fidélité, il lui donne l'investiture. La même année, il s'attaque à la commune. Par suite des modifications récentes, elle avait à sa tête un chef unique, le sénateur, Summus Senator. Innocent III obtient le droit de le nommer. La municipalité subsiste, mais sous la suprématie pontificale. Sans doute on vit encore, sous son gouvernement, des troubles éclatés à Rome. Mais, finalement, un nouvel accord maintint le droit du pape, 1205. Au nord de Rome, Innocent III se trouve en présence de puissants princes allemands. Conrad, frère de Henri VI, et duc de Toscane. Le sénéchal Markwald d'Annweiler occupe l'exarchat. Conrad de Ürslingen est duc de Spolète. Mais, à l'annonce de la mort de Henri VI, à l'appel d'Innocent III, ces pays se soulèvent. Markwald est obligé de lâcher sa proie. Le duché de Spolète s'affranchit de la domination allemande. Innocent III le parcourt triomphalement, gagnant les villes en reconnaissant leur franchise municipale. En Toscane, dès 1197, Florence, Sienne, Lucque, Volterra, Arezzo, Prato, etc., ont formé une ligue favorable à la papauté, hostile à l'Empire. Innocent III l'approuve. Il recouvre les domaines qui avaient appartenu à Mathilde dans ses régions. Il en organise l'administration, il en assure la défense. Dans le sud, on chasse les Allemands et Constance, en mourant, confie au pape la tutelle de son fils, novembre 1198. Afin de lui assurer par cette protection le royaume de Sicile, elle renonçait pour lui à l'Allemagne et à l'Empire. Intervention d'Innocent III dans les affaires d'Allemagne. L'Empire est dans l'anarchie. Le fils de Henri VI n'a que 3 ans. Deux partis se forment. L'un est Louis-Philippe de Souabe. Note. Il est curieux de remarquer qu'il prit le titre de Philippe II, considérant dans la série des empereurs romains Philippe d'Arabe comme Philippe Ier. Fin de note. Frère de Henri VI, l'autre. Le Welf Otto de Brunswick, fils de Henri le Lion. Philippe de Souabe a pour lui les souvenirs des empereurs qui l'ont précédé, leurs biens, l'appui de la plupart des princes, l'alliance de Philippe Auguste. Otto n'est soutenu que par son oncle, Richard Cœur de Lion, et par un petit nombre de partisans. Il cherche donc à gagner la papauté par son attitude humble et ses promesses, tandis que Philippe, par son origine et par son caractère, n'inspire à Innocent III que de la défiance. Le pape s'érige en arbitre du différend. Il déclare que celui qui consacre l'empereur a le droit de disposer de la couronne impériale, que les électeurs tiennent de la papauté le privilège d'élire le roi des Romains ainsi désigné pour l'Empire. Après avoir quelque temps différé de se prononcer, en mars 1201, il ordonne aux Allemands de reconnaître Otto, délit du serment de fidélité les partisans de Philippe. En retour, Otto jure qu'il maintiendra les possessions, honneurs et droits de l'Église romaine, et dans ces possessions est compris le fameux héritage de Mathilde. Cependant, Philippe de Souabe démontre au prince que de pareilles tentatives menacent leur liberté. Dans une lettre que plusieurs archevêques, princes, seigneurs adressent à Innocent III, il lui demande où il a lu que ses prédécesseurs ou leurs légats soient jamais intervenus dans l'élection des empereurs. Il rappelle que, selon un ancien privilège de la couronne impériale, auquel les empereurs n'ont renoncé que par leur pieuse munificence, c'est à ceux-ci qu'il appartient d'approuver l'élection des papes. Ainsi, dans cette nouvelle période de la lutte de la papauté et de l'Empire, la querelle portait sur les origines mêmes des deux pouvoirs. Pendant quelques années, le pape s'épuise en efforts inutiles pour faire triompher son partisan. En 1206, Otto, battu près de Cologne, perdit cette ville qui lui était fidèle. L'anarchie était épouvantable. On en accusait la papauté, l'Église. Innocent III dut céder. En 1207, il négocia avec Philippe de Souabe. Le frère de Frédéric Barberousse allait donc triompher de la papauté contrainte à la reconnaître, lorsqu'il fut assassiné à Bamberg par le comte palatin Otto de Wittelsbach, auquel il avait refusé sa fille en mariage, juin 1208. Si cette mort était une victoire pour Innocent III, il la devait au hasard. Afin de gagner les partisans de Hohenstaufen, Otto se fiance avec la fille de Philippe Souabe, Béatrice, tandis que d'autre part, pour satisfaire Innocent III, il se dit empereur par la grâce de Dieu et du pape. Mais, couronné à Rome en octobre 1209, dès qu'il se croit assez fort, il ne tarde pas à méconnaître toutes ses promesses, tous ses serments. Il occupe les domaines de la comtesse Mathilde, attaque les possessions du royaume de Sicile dans le sud de l'Italie. Innocent III, trahi par celui qui l'avait soutenu, écrivait « Voici qu'à cette heure, beaucoup m'insultent. Ils disent que j'ai mérité ce dont je souffre, que j'ai forgé de mes mains le glaive qui me blesse si cruellement. Que le Très-Haut leur réponde pour moi, lui qui sait la pureté de mon âme et qui a dit un jour de lui-même, je me repens d'avoir fait l'homme. » Dépouillé de ses états, il en vint à se tourner vers Philippe Auguste. « Ce n'était pas sans honte, disait-il, que je vous ai fait part de mes craintes, car bien souvent vous m'avez averti. » Il s'alliait à lui. Dès le mois de novembre 1210, il excommuniait l'empereur, déliait ses sujets du serment de fidélité. Il employait maintenant à former une coalition contre lui la même activité qu'il montrait quelques années auparavant à le défendre. Il fut plus heureux cette fois. En Allemagne, si Otto travaillait à rétablir l'ordre, ses façons hautaines, la faveur qu'il témoignait aux Saxons et aux Anglais lui faisaient des ennemis. Innocent III tenait en réserve un terrible rival. Constance, la veuve de Henri VI, l'héritière du royaume de Sicile, s'était soumise à l'investiture pontificale. À sa mort, novembre 1198, elle avait chargé Innocent III de la tutelle de son fils, le jeune Frédéric. Innocent III avait consciencieusement protégé son pupille. Il avait lutté contre Markwald d'Annweiler qui, passé dans le sud, voulait y devenir roi. Plus tard, il avait énergiquement protesté lorsqu'Otto avait voulu dépouiller Frédéric de ses états. Mais le souci de l'indépendance de l'État de Saint-Pierre le poussait à éviter les réunions de l'Allemagne et du royaume de Sicile dans les mêmes mains. Néanmoins, dès que les adversaires d'Otto songèrent à lui opposer un nouveau roi, leurs regards se tournèrent vers le jeune Frédéric qui avait alors 17 ans. À Nuremberg, en septembre 1211, le roi de Bohême, le duc d'Autriche, le duc de Bavière, le landgrave de Thuringe et d'autres princes élisent Frédéric empereur. Leur envoyé, Anselm de Justingen, se rend à Rome. Il obtient l'approbation d'Innocent III, à qui son animosité contre Otto fit oublier l'intérêt immédiat du Saint-Siège. D'ailleurs, les revirements de sa politique suscitaient des critiques. « C'est lui, disait-on, qui a été la cause de ces discordes, en protégeant puis en poursuivant Otto avec trop d'ardeur. » En mars 1212, Frédéric arrive à Rome. Il prête le serment de fidélité à Innocent III pour le royaume de Sicile. Bientôt après, non sans danger, à la tête d'une petite troupe, il franchit les Alpes, apparaît audacieusement en Allemagne. Tandis qu'Otto, voyant les défections se multiplier contre lui, doit se retirer à Cologne, Frédéric à Vaucouleurs conclut avec Philippe Auguste une alliance contre son rival et contre Jean sans terre d'Angleterre. Puis, le 9 décembre 1212, il est couronné roi des Romains à Mayence. Battu à Bouvines par Philippe Auguste, juillet 1214, Otto vit lui échapper ses derniers partisans. Il mourut en mai 1218. Pour arriver au pouvoir, Frédéric avait prodigué au pape les promesses. Par la bulle d'or des Gras, en juillet 1213, considérant les immenses et innombrables bienfaits de son protecteur et bienfaiteur, le pape Innocent, il promettait obéissance au Saint-Siège, reconnaissait la liberté des élections ecclésiastiques, du droit d'appel à Rome. Il s'engageait à aider la papauté contre les hérétiques, enfin admettait ses prétentions territoriales dans l'Italie du centre. Le 1er juillet 1216, par un acte signé à Strasbourg, il déclarait que, aussitôt couronné empereur, il émanciperait son fils Henri, qui deviendrait roi de Sicile sous la suzeraineté de l'Église de Rome. Il se prononçait formellement contre toute réunion de l'Empire et du royaume de Sicile. Innocent III ne se doutait guère que ce pupille de la papauté deviendrait quelques années après son plus terrible ennemi. En luttant contre les empereurs, en intervenant sans cesse dans les affaires intérieures de l'Allemagne. Innocent III a irrité le sentiment national allemand et rendu la papauté impopulaire. Les poésies de Walter von der Vogelweide, si précieuses pour l'histoire de cette époque, abondent en invectives contre l'ambition pontificale. « Les prêtres, s'écrie-t-il, veulent renverser les droits des laïcs. » Dans les variations et les échecs de la politique d'Innocent III, qui oppose Frédéric II à son ancien protégé Otto IV, il voit des intentions fourbes et perverses et, lorsqu'en 1213 le pape ordonne la levée des deniers pour la croisade, « Ah ! Que le pape rit chrétiennement de nous, lorsqu'il raconte à ses Italiens comment il s'y est pris. Ce qu'il dit maintenant, il n'aurait jamais dû le penser. Il leur dit en effet, « J'ai placé deux Allemands sous une même couronne afin qu'ils troublent l'Empire et qu'ils répandent l'incendie et la dévastation. Pendant ce temps, je remplis mes coffres. » La cupidité de la cour de Rome est l'objet de ses plus violents sarcasmes. « Seigneur Tronc, dit-il en s'adressant à la caisse pontificale, le pape vous a-t-il envoyé ici afin de l'enrichir et de nous appauvrir, nous autres Allemands, et de nous rançonner ?»« Seigneur Tronc, vous avez été envoyé pour notre malheur afin de chercher parmi les Allemands des dupes et des fous. » La vente des indulgences l'indigne et il s'élève contre cet achat et cette vente des dons de Dieu, contre ce trafic qui nous a été défendu par le baptême. J'emprunte la traduction de ces passages à M. Lange, étude sur Walter von der Vogelweide, 1879. Ainsi l'Allemagne, par la bouche d'un de ses poètes les plus populaires, formule déjà contre la papauté quelques-uns des griefs d'où sortira plus tard la réforme. Innocent III et les rois. Sur les rois, sa domination est-elle beaucoup mieux établie? À ne considérer que quelques faits, on pourrait le croire. Il intervint dans le gouvernement des États, diminué, aussi bien que dans l'administration de l'Église, et les rois lui furent subordonnés, sous le rapport politique, presque autant que l'étaient les évêques sous le rapport religieux. À son autorité générale sur les pays chrétiens s'ajouta son droit de suzeraineté sur beaucoup d'entre eux. Cette suzeraineté, forme plus particulière de la dépendance envers le Saint-Siège pour ceux qui la reconnurent, faisait des papes les seigneurs des rois et des rois les vassaux des papes. Elle prit la plus grande extension sous Innocent III. Les deux Siciles, la Suède, le Danemark, s'étaient déjà placés dans les liens du vassalage pontifical. D'autres s'y mirent alors. Le roi Sancho de Portugal renouvela l'engagement qu'avait pris à ce sujet, en 1144, son prédécesseur Alphonse Ier, et paya tribut au souverain pontife. Le roi Pedro d'Aragon fit de même en 1204. Il déposa sur le maître-autel de Saint-Pierre à Rome sa couronne, qu'Innocent III lui remit sur la tête, afin qu'il la tînt désormais du Saint-Siège, envers lequel il dut acquitter une redevance annuelle. En 1207, la Pologne se soumit à cette suzeraineté. De même, plusieurs princes d'Orient se rapprochent de la papauté. Le roi d'Arménie, le roi de Bulgarie, Stéphane Nemanja, grand joupon de Serbie, voir ci-dessous, chapitres 14 et 15, veulent réconcilier leurs états avec l'Église latine. Il ne faudrait pas juger trop promptement d'après ses apparences. Les rois qui s'inclinent si docilement devant Innocent III ou bien sont faibles, ou bien ont besoin de lui. Tout autre est la conduite de celui en qui se personnifie alors le principe de la puissance royale, de l'énergique Philippe Auguste. On sait comment, après avoir répudié Ingeborg de Danemark, il résista au pape qui voulait le forcer à la reprendre. Pour le vaincre, il fallut qu'Innocent III jetât l'interdit sur la France. Encore, même après la mort d'Agnès de Méranie, recommença-t-il à persécuter Ingeburg malgré les observations du pape, et ce ne fut qu'en 1213 qu'il se réconcilia définitivement avec elle. Ici, Philippe Auguste avait tort. Il se laissait entraîner par la passion. En d'autres occasions, où la politique seule est en jeu, convaincu de son droit autant que la pape du sien, il répond d'un ton hautain et résolu. Voir ci-dessous, chapitres 5 et 7. Innocent III veut-il intervenir dans cette démêlée avec Jean d'Angleterre? Il lui déclare que le pape n'a rien à voir dans une affaire qui se passe entre rois. Lorsqu'Innocent III soutient Otto de Brunswick, il lui écrit « Je m'étonne de votre insistance à protéger un prince que ses intérêts de famille rendent ennemi de votre royaume. Que votre sainteté le sache bien, je regarde l'élévation de ce prince, à laquelle vous vous attachez d'une manière aussi inconsidérée, non seulement comme un tort fait à mon royaume, mais comme une honte pour tous les rois chrétiens. Si vous persistez, je saurai prendre les mesures nécessaires. » Or, plus tard, Innocent III devait demander l'alliance de Philippe Auguste contre Otto et avouer que le roi avait été plus perspicace que lui. Voir ci-dessus, page 179. En Angleterre, la royauté s'humilie devant lui, mais ce triomphe est pire peut-être qu'une défaite. Lors d'une élection à l'archevêché de Canterbury, Innocent III avait désigné Étienne Longton, 1206, passé outre à l'opposition de Jean Santerre, sacré Longton, puis jeté l'interdit sur l'Angleterre, excommunié et déposé le roi, proposé l'Angleterre à Philippe Auguste. Jean Santerre, contraint à céder, offrit à l'Église romaine son royaume d'Angleterre et d'Irlande pour les recevoir ensuite d'elle en fief. Tanquam feudatarius, 1213. Mais l'Angleterre n'était point disposée à s'associer à l'humiliation de son roi. Lorsque le cardinal de Tusculum y arriva, les mesures qu'il prit, de concert avec un autre légat pontifical, Pandulf, blessèrent les évêques anglais, l'archevêque Étienne Longton à leur tête. Dans ses luttes contre les barons et le peuple, forcé d'accorder la Grande Charte, 1215, Jean Santerre invoque l'appui du pape. Innocent III intervient. Au nom du Dieu Tout-Puissant, par l'autorité des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul et par la nôtre, nous réprouvons complètement et condamnons cette charte. Nous défendons sous peine d'anathème que le roi l'observe ou que les barons en exigent l'exécution. Il excommunie les prélats et les barons adversaires du roi, mais ceux-ci résistent. La guerre civile dévaste l'Angleterre, et les Anglais rendent la papauté responsable des maux dont ils souffrent. Le souverain pontife, écrit Matthieu Paris, qui devrait être la source de la sainteté, le miroir de la piété, le gardien de la justice, le défenseur de la vérité, protège un pareil homme. Pourquoi prend-il son parti? Pour engloutir les richesses de l'Angleterre dans le gouffre de l'avarice romaine. Ainsi, afin de défendre un roi indigne et qui ne s'incline devant elle que par intérêt, la papauté s'aliène un peuple. Voir ci-dessous, chapitre 11. Innocent III et la croisade. Sur la société féodale, l'influence d'Innocent III n'est guère plus réelle que sur les rois. Il a voulu réunir l'Europe chrétienne dans une grande expédition en Terre Sainte. Quand il s'est cru près de réussir et que la croisade a été formée, un des parents de Philippe de Souabe, Boniface de Montferrat, en a obtenu le commandement et, malgré les objurgations et les menaces du pape, Les croisés ont conquis l'empire de Constantinople au lieu de délivrer la Terre Sainte. Voir ci-dessous chapitres 6 et 15. Ainsi la croisade a échappé à Innocent III. Les excès dont les Grecs furent victimes exaspéreront encore les haines déjà si vivaces entre eux et les Occidentaux. Le rétablissement de l'union religieuse et de l'entente politique deviendra plus difficile que jamais. La croisade tant désirée par le pape n'aura donc servi ni les intérêts de l'Église, ni ceux de l'Europe chrétienne. Dans d'autres circonstances, c'est au sein même de la société chrétienne qu'il a prêché la guerre sainte et, pour détruire l'hérésie albigeoise, il a déchaîné la féodalité du Nord sur la France du Midi. Il est bon de remarquer que les doctrines des cathares, avant de prendre une si grande extension dans le sud de la France, s'étaient répandues dans la Lombardie dès la première moitié du XIe siècle, en Toscane au XIIe siècle. Elles passèrent d'Italie en France. Voir ci-dessous chapitres 5 et 7. Entraînés par leur passion brutale et par leur convoitise, les seigneurs et aventuriers ont massacré, brûlé, pillé sans merci, à ce point qu'Innocent III lui-même a reculé devant son œuvre et qu'il a eu les remords de tant de sang versé. Mais il est trop tard. Il a semé dans ses contrées une haine contre la papauté dont on retrouve l'expression furieuse dans une servante du troubadour Guillaume Figuera. Rome, je ne m'étonne point que les peuples soient dans l'erreur, car vous avez jeté le siècle en fermentation et en guerre. Mérite et vertu sont par vous tirés et mis sous terre. Rome, aux Sarrasins, vous faites peu de dommages, mais grecs et latins vous menez au carnage. Rome, tant est grande votre forfaiture, que Dieu et ses saints vous jetaient à l'abandon. Votre règne est si vicieux, Rome menteuse et perfide, qu'en vous se rassemble, s'abaisse et se confond toute la fourberie de ce monde. Tant vous faites grande injustice aux contrémonts. Rome, de votre papauté, voilà les hauts faits. Sur deux points seulement, pendant ce pontificat, les guerres saintes contribuent à l'extension du christianisme. Au nord-est de l'Europe, comme on le verra plus loin, voir ci-dessous chapitre 14, les Allemands, refoulant les Slaves, l'introduisent ou le fortifient dans la Poméranie, la Livonie, l'Estonie. Mais ces victoires ne sont pas l'œuvre directe de la papauté. Du côté du sud-ouest, Innocent III a prêché la croisade contre les Almohades qui, d'Afrique passée en Espagne, y menaçaient l'existence des royaumes chrétiens. Les chrétiens sont vainqueurs à la grande bataille de Las Navas de Tolosa. Voir ci-dessous chapitre 12. 1212. Mais, par une cruelle ironie, un des plus vaillants combattants de cette journée, le roi Pèdre d'Aragon, succombait l'année suivante à Muret, sous les coups des prétendus croisés qui dévastaient le Languedoc. Tel fut Innocent III dans la société temporelle. Tandis qu'il y revendiquait l'empire du monde et le gouvernement des États, il a été sans cesse trompé par les passions de ceux qu'il voulait diriger. Et il a vu ceux qu'il protégeait se retourner contre lui, méconnaître ses conseils ou commettre sous son nom les pires excès. Innocent III et l'Église. On trouvera dans un autre chapitre, voir ci-dessous chapitre 5, le tableau de ce qu'il fit à l'intérieur de l'Église. Qu'il suffise de dire que, là encore, il n'atteignit point le but qui était proposé. Les hommes les plus pieux de ce temps blâmèrent souvent avec énergie l'intervention sans bornes de la cour romaine dans toutes les affaires et la corruption qui y régnait. Jacques de Vitry, qui plus tard devint cardinal, écrivait « Quand je passais quelque temps à la curie romaine, j'y trouvais beaucoup de choses qui choquaient mon esprit. » Ils étaient si occupés d'affaires séculières et temporelles, de rois, de royaumes, qu'il ne permettait guère qu'on parlât des choses spirituelles. Aussi la réforme de l'Église, que réclamaient les âmes religieuses, fut-elle entreprise par des ordres monastiques nouveaux, ardents et populaires, mais que la papauté ne vit pas se former sans défiance et qui parfois se tournèrent violemment contre elle. Innocent III a connu Saint Dominique. Mais du sein des dominicains se dressera plus tard Savonarole. C'est sous son pontificat que François d'Assise commence à prêcher. Mais, dès le XIIIe siècle, des franciscains condamneront avec éloquence l'Église telle que la fête la papauté et annonceront l'avènement d'une Église nouvelle. Le mysticisme qui se développe dans la société chrétienne est hostile à la conception que les papes se sont faites de leur rôle. Avant Innocent III déjà, une voyante des bords du Rhin, Hildegarde de Bingen, disait « Comme ni les princes ni les autres hommes, soit clairs, soit laïcs, ne trouveront plus dans la papauté aucune religion, ils diminueront sa puissance. Et le pape, privé de son ancienne autorité, ne possédera plus que Rome et quelques maigres domaines alentour. » Le Concile de Latran. Le dernier grand acte du pontificat d'Innocent III fut le Concile œcuménique de Latran, novembre 1215. Il avait voulu donner à cette assemblée une grande solennité et, afin que les évêques y fussent nombreux, il les avait convoqués dès le mois d'avril 1213. 412 évêques, 800 abbés ou prieurs y assistèrent. Le patriarche de Jérusalem y vint. Ceux d'Alexandrie et d'Antioche s'y firent représenter. On y vit des ambassadeurs de Frédéric II, d'Otto IV, de Henri, empereur de Constantinople, des rois de France, d'Angleterre, de Jérusalem, d'Aragon, de Hongrie, etc. Il semblait que ce fussent là les grandes assises, tous à la fois religieuses et politiques, du monde chrétien. Dans les lettres de convocation, Innocent III avait tracé le programme des travaux du concile. Deux choses me tiennent surtout à cœur. La délivrance de la Terre Sainte et la réforme de l'Église universelle. Je me suis décidé à convoquer un concile général qui exterminera les vices, fera fleurir les vertus, redressera les torts, réformera les mœurs, anéantira les hérésies, fortifiera la foi, mettra fin aux discussions, établira la paix, protégera la liberté, gagnera à la cause de la Terre Sainte les princes et les peuples chrétiens, et enfin rendra des sages ordonnances pour le haut et le bas clergé. Dans les 70 canons qui furent promulgués, le concile condamna les erreurs de Joachim de Fleurs, des cathares et albigeois. Il régla les peines qui devaient les frapper et comment ils devaient être livrés aux bras séculiers. Il fixa l'ordre des patriarches et leur rapport avec Rome. Ordonna aux métropolitains de tenir des synodes annuels. De nouvelles mesures furent prises relativement à la juridiction ecclésiastique, à la discipline, au choix des clercs, à leurs mœurs, aux élections épiscopales, aux privilèges des gens d'église, à la prédication. On invita les évêques à établir des écoles pour l'instruction des clercs et des pauvres écoliers, où l'on enseignerait gratuitement la grammaire et la théologie. Les monastères devaient être soumis à une surveillance plus régulière et plus sévère, mais on défendait la création de nouveaux ordres et de nouvelles règles monastiques. Les duels furent prohibés. On interdit aux clercs de consacrer par leur bénédiction les épreuves judiciaires, telles que celles de l'eau bouillante, du fer chaud. On leur recommanda de ne point prodiguer les sentences d'excommunication. Des peines furent établies contre ceux qui en prononceraient injustement. Le culte des reliques non approuvées par le pape, l'octroi d'indulgences excessives furent interdits. Les clercs ne devaient plus exiger d'argent pour les mariages, les funérailles, et se contentaient d'offrandes volontaires. Parmi ces mesures, beaucoup attestent un esprit élevé et généreux, une idée fort haute de l'action de l'Église sur la société, un grand désir d'améliorer le clergé et de le rendre digne de son rôle par la piété, la science, la pureté des mœurs. Mais, si elles sont à l'honneur d'Innocent III, la plupart des abus qu'elles visaient étaient trop invétérés pour que les canons d'un concile puissent les extirper. Toute une longue instruction fut rédigée en vue de la future croisade. Elle devait partir au mois de mai 1217. Les points où se réuniraient les croisés étaient fixés. Le pape promettait d'aller les bénir. Cette joie ne lui fut pas accordée. Comme il parcourait l'Italie pour veiller aux préparatifs de la guerre sainte, il mourut à Pérouse, juillet 1216, âgé seulement de 56 ans. Fin de la section 16.